À l'occasion du 53e anniversaire de l'intégration du général Kim Jong-il au comité central du Parti travail de Corée, le quotidien coréen Rodong Sinmun a publié le 19 courant l'éditorial titré « Faisons briller à jamais les exploits du dirigeant Kim Jong-il dans l'édification du parti et accélérons la progression victorieuse de la révolution tchétchène ».